France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 142. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volets sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 21 décembre 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es une grosse édition spéciale consacrée au merveilleux esprit de Noël, une trêve que tout le monde respecte. On commence par cette étrange menace terroriste au printemps Haussmann, des bombes sans détonateur dont un groupe taliban inconnu a donné l'emplacement à l'avance. Ils ont envoyé une nouvelle vidéo de revendication. Salut, on est le groupe des talibans cool. Ouais, piche, on est hyper cool. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on fabrique une bombe cool. Un peu de matos, du papier, et maintenant, la mise à feu. Alors... Putain, c'est de la bombe! Voilà, c'était les talibans cool. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Oui, c'est Noël, alors plus que jamais, chers amis, communions ensemble au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, comme d'habitude, bien sûr, nous commencerons par notre petite messe freudienne durant laquelle nous décrypterons entre autres la langue de bois de Jean-Philippe Collin, le père fouettard de Peugeot PSA. Ensuite, à quelques jours de la nativité, nous découvrirons la joyeuse crèche de Solferino, organisée par les leaders socialistes dans l'espoir, tu m'étonnes, que leur messie se pointe. Et puis, figure-toi qu'à l'INA, en cette fin d'année, ce fut la semaine de la volaille et du coup, nous t'offrirons un étrange conte de Noël intitulé « Dindes en folie ». Dans la foulée, direction Gros Boule-les-Bains où nous te dévoilerons, entre bourriches d'huîtres et guirlandes électriques, les curieux préparatifs du réveillon de Noël chez Monique et Jean-Claude. Et puis, comment ne pas évoquer ici non plus ce matin le gros conifère? Eh bien, notre facétieux reporter a décidé avant-hier d'aller constater si mon beau sapin subit la crise. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités de cette fin d'année, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et contourne les embûches glacées. On TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Words of skill and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. We'll be right back. are trouble. Words are subtle. Words of anger. Words of hate. Words over here. Words out there. In the air and everywhere. Words of wisdom. Words of strife. Words that write the book I like. Words won't find the right solution to the planet Earth's pollution. Say the right word. Make a million. Words are like a certain person who can't say what they mean. Don't mean what they say. World G Rapping Hood, c'était le Tom Tom Club qui psalmodiait gaiement en 1981 les débuts du rap que nous t'offrons ici ce matin, car cette année, au pied du sapin, il risque d'être un gros rappeur Noël. Les jouets sont devenus inabordables. J'en ai eu pour 785 francs. Les enfants sont pourris, vous savez. Alors qu'avec un bout de ficelle et un morceau de carton, ils s'amusent comme des fous. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, avant tout, que nous indique le clocher de là où on crèche ? Eh bien, qu'il est à présent 11h11, l'heure bien entendu de te vautrer confortablement afin que nous entamions ensemble les modestes aventures de ce 142e épisode du Mangin Palace consacré ce matin au merveilleux esprit de Noël. Cela dit, le sacro-saint principe de laïcité nous impose tout naturellement une messe de Noël freudienne, en compagnie de l'irrévérend Monsieur Divan Beaujelet, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons une fois de plus ces derniers jours essayé de démasquer l'inconscient du discours politico-médiatique. Ainsi, pêle-mêle, découvrons ensemble ce matin la belle bûche de Xavier Dercos, la langue de bois du père Fouettard de chez Peugeot et le cadeau de la mère Noël à France Télévisions. Allez, en route maestro. Tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Hasard ! Confronté à la contestation et au risque d'embrasement dans les semaines qui viennent, Xavier Dercos a donc annoncé ce matin le report de cette réforme du lycée. Je préfère donner l'impression de reculer tout de suite sur la classe de seconde, mais à dire vrai, pour avancer plus encore sur la totalité du lycée, non pas la classe de seconde, mais le cycle terminal. On a pu lire ici ou là que le président redoutait un scénario à la grecque. C'est pas du tout ce que tu crois. Et à 8h20, l'invité de France Inter est ce matin le directeur général de Peugeot. Bonjour Jean-Philippe Collin. Bonjour. Bon, parlons de l'usine d'Aulnay au nord de Paris. Attention, mesdames et messieurs. Est-ce qu'elle restera une usine Peugeot au nord de Paris ? Elle ne fermera pas ? Le spectacle va commencer. Notre engagement, c'est de ne pas délocaliser globalement sur l'ensemble de notre outil industriel en France. C'est très détaillé. Je vais vous reposer la question pour avoir une réponse encore plus claire. Allez, vas-y mon gars. Aulnay reste Aulnay et ne fermera pas. Ça va être ta fête. Nous n'avons pas de plan annoncé sur nos usines françaises aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. Putain. C'est nul. C'est fait, allez voter. Les députés ont adopté cet après-midi la réforme de l'audiovisuel public qui prévoit, je vous le rappelle, la fin partielle de la publicité sur France Télévisions, ainsi que la nomination et la révocation des responsables de l'audiovisuel public en Conseil des ministres. Qui est transporté de joie par mon petit projet ? Et juste avant le vote, Alain, la ministre de la Culture, Christine Albanel, a tenté une dernière fois de convaincre du bien fondé de cette réforme. Le temps est venu pour France Télévisions de retrouver la confiance, de retrouver la stabilité. Dans ce cas, il est évident que la situation est entièrement nouvelle. Allez-vous, oui ou non, Jean-Philippe Collin, fermer l'usine d'Aulnay au nord de Paris ? Quoi ? Il ne veut toujours pas parler ? Aujourd'hui, nous n'avons pas de plan pour telle ou telle usine en France. Toujours pas, non, il dit qu'il nous emmerde. En plus ! Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Tu nous as manqué, mon gars. Ouais, vous aussi, ça fait du bien de serrer un mec dans ses bras en sachant que ça ira pas plus loin. Dominique de Villepin, les ponts sont totalement coupés aujourd'hui entre vous et le président de la République. C'est comment ? Il t'oblige vraiment à te coucher très tôt ? Non. Vous le voyez ? Je ne le vois pas, mais nous avons des contacts. Bah, ils éteignent la lumière vers 21h, mais on peut faire ce qu'on veut dans le noir jusqu'à n'importe quelle heure. Vous savez, quand les critiques sont constructives, le fait de dire au président de la République... Commençons tranquillement, voulez-vous ? Avant de corser les choses. Posez-vous la question de savoir, avant de lancer un projet, s'il conduira à un mieux pour la France. J'aime me battre. Jean-Philippe Collin. T'as écouté ce qu'il a raconté ? Pourquoi vous ne voulez pas me répondre non alors ? Donc tu ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Je viens de vous dire que nous n'avons pas de plan sur l'ensemble de nos usines françaises, y compris celle de Nantes. Non mais vous vous foutez de nous, non ? Jean-Luc Mélenchon à ce micro. Trop de compliments, ça me fait mal. Disait de vous, Daniel Cohn-Bendit, que vous étiez un politicien de centre droit et que la vraie gauche n'était si pas là. Si vous voulez continuer à faire de la politique en disant « Moi je suis à droite, si dort mieux Mélenchon en disant que je suis du centre droit », eh bien bonne nuit Mélenchon. Où est-ce qu'il crèche ? Dors mon petit, ça m'est égal. N'a qu'à l'installer dans un motel minable avec des portraits de Jésus un peu partout sur les murs. Parole maintenant à l'évangile selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur élyséen ordonnant de recenser toutes les idées socialistes qui pourraient à l'avenir nuire à l'omnipotence de son règne. Or, au même moment, arrivèrent les jours où Martine devait enfanter son premier programme de gouvernance pour la gauche. Elle le mit au monde, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Très vite, Jack, Lionel et Laurent, les rois mages, furent prévenus de la naissance de ce programme messianique. Immédiatement, ils se précipitèrent vers la crèche de Solferino et, chemin faisant, ils croisèrent un ange prénommé Hollande. Je te salue, mon ami. Je me présente, je suis Balthazar, roi de Nippur. Et non, Gaspard. Je suis le jeune Melchior. Nous sommes... Oui, je sais, vous êtes les rois mages. L'Éternel est avec nous. Homme de foi, tu nous as donc reconnus. Oui, bien sûr. Cela dit, il y a un problème. L'année dernière, il y a eu un incident. Une altercation entre Joseph et un berger. Sans parler du bœuf qui s'est emballé dans la sacristie. L'évêché n'a pas apprécié et cette année, on ne va pas pouvoir refaire la crèche grandeur nature. Vous comprenez ? Il fallait parvenir. Nous sommes les rois mages. Je le sais. C'est dur. Mais la paroisse a créé une association d'aide au SDF. Vous pourrez vous y nourrir sans prestation en échange. Mais nous n'avons pas faim. Nous sommes à la recherche de Jésus. C'est bien, mes enfants, c'est bien. Moi aussi, je cherche. Moi aussi. L'enthousiasme de l'ange François Hollande semblait sérieusement entamé par le gros bordel qui régnait en réalité dans la crèche de Solferino. Les rois mages furent surpris par tant de dépit et tentèrent de comprendre un peu mieux les raisons de cette chienlit. Dans les environs se trouvait Bertrand, un berger qui passait la nuit dans les champs pour garder son troupeau. Et face aux rois mages, Bertrand fut très lucide quant aux événements des derniers mois qui avaient précédé la gestation de ce programme messianique. « J'ai pas su garder mes vaches et j'ai perdu mes moutons, tontaine. Si mon exemple fait tâche, par mes aïeux où va-t-on, tontaine. » Nous devrons, pour les prochains rendez-vous avec les Français sur des enjeux nationaux, montrer que nous sommes capables de choisir, de trancher et de mélanger conviction, volonté, performance et sincérité. On m'avait donné pour tâche de surveiller les moutons avec Toutou et les vaches de Tantine et de Tonton. Mais Toutou n'était qu'un lâche qui léchait bien mes boutons, mais qui avait peur des vaches et dissipait mes moutons. J'ai pas su garder mes vaches et j'ai perdu mes moutons. Tonton. Eh oui, malheureusement pour lui, le berger Bertrand n'avait pas su garder les moutons de Tonton. Et pourtant, il confia au roi mage qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de Martine dans sa fichue crèche. Bertrand se soucie de Martine. Je souhaiterais que Martine puisse partir assez tôt parce qu'elle a une bonne raison de passer la soirée avec ton papa. Et Martine envie son ami Bertrand. Que je suis jalouse de sa taille, donc j'essaye toujours de lui apporter des gaufres, mais il n'y a rien à faire, il reste beau et svelte. Et puis il y a ceux qui attendent pour voir le gros du bataillon qui apparemment ne s'est pas déplacé hier soir. Drôle d'ambiance dans la crèche. Et les rois mages furent sceptiques quant à cette entente cordiale. Cela dit, au cœur de cette sainte nuit, avant qu'ils ne laissent repartir les rois mages sur cette route qui les menait vers la crèche de Solferino, Bertrand les mit en garde contre un autre berger, un usurpateur, qui désormais revendiquait lui aussi le rôle du messie entre le bœuf et l'âne gris. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils, mélange divin, mille séraphins, vole à l'entour de ce grand dieu d'amour. J'ai été jusqu'au bout de ma participation au débat des socialistes. Je m'en vais, je vais continuer mon travail politique, mon combat de socialiste ailleurs et autrement. Mélange divin, mille séraphins, vole à l'entour de ce grand dieu d'amour. Désormais, les rois mages n'ignoraient plus que le berger Mélenchon tenterait de les doubler par la gauche. C'est alors qu'au cœur de cette sainte nuit, Jack, Lionel et Laurent arrivèrent enfin au seuil de la crèche où Martine avait soi-disant enfanté le programme messianique. Immédiatement, les rois mages se jetèrent aux pieds de Martine pour lui offrir de l'or, bien sûr, et la couvrir de louanges. Cela dit, Martine fut très surprise. Qu'est-ce que vous me voulez ? Pourquoi vous me suivez ? Tu es notre guide, envoyé par les puissances célestes. Bon, ok. Alors, est-ce que je peux savoir ce que vous cherchez ? L'enfant roi. Le petit Jésus ? Oui. Désolée, mais je peux rien faire pour vous. Mais tu es notre signe. Je sais que tu nous conduiras jusqu'à lui. Lâchez-moi ! Vous êtes complètement tarés, hein ? Il est mort, votre petit Jésus, mort il y a plus de 2000 ans. Et crucifié avec ça. Crucifié ? Voilà. Ça va comme ça ? Eh oh Martine, t'es naze, arrête. Ça fait quand même pas 2000 ans que François Mitterrand est mort, merde, répliqua Jack, l'un des rois mages qui, comme les deux autres, venait néanmoins de comprendre qu'une fois de plus, point de programme messianique à l'horizon. Dépités, les rois mages décidèrent alors, au cœur de cette nuit très banale au final, d'organiser une messe de minuit à la louange de François Mitterrand, justement leur dernier messie. Allez, tous en cœur. Personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Le haut de la croix indique-nous le chemin, toi qui me connais si bien. Alors que bergers, santons et rois mages socialistes communiaient allègrement devant une crèche dépourvue de tout programme messianique, incroyable magie des évangiles, voilà qu'ils furent entendus, dis donc, par celui-là même qu'ils célébraient à l'instant. Oui, le Très-Haut se manifesta, car souviens-toi, il croyait aux forces de l'esprit, tonton, et c'est d'un buisson ardent que toute la crèche socialiste entendit ceci. Je serai partout, dans l'ombre. Partout où il y aura une bagarre pour que les gens puissent bouffer, je serai là. Partout où il y aura un flic qui frappera un gars, je serai là. Je serai là où les types gueulent quand ils deviennent enragés. Et je serai là où les gosses rient quand ils ont faim et qui savent que la soupe est prête. Il aimait le devil, enfant, jouer transistor, raisonner que c'est que. Il aimait le devil, enfant, magnétoscopant cet événement. Oui, en cette fin d'année, jouer au bois et raisonner musette, puisqu'a priori, les bergers et santons socialistes venaient enfin de retrouver pour la nouvelle année une feuille de route, digne de leur épopée. Seulement voilà, toujours au cœur de la nuit, un autre ange s'approcha de la crèche et enveloppa alors bergers et santons socialistes de sa lumière élyséenne. Tous furent saisis d'une grande crainte et cet ange s'adressa au premier d'entre eux. Vous savez qui je suis ? Non, je ne sais pas. Qui êtes-vous ? Je suis l'Antéchrist. Je ne suis pas de très bonne humeur. Vous direz aux anges du ciel que vous n'aviez jamais vu le mal aussi nettement incarné que dans l'homme qui vous a exécuté. J'espère que ça va vous épargner les fausses questions du genre « Mais qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie, celui-là ?» On va jouer aux questions-réponses. Et au risque de répéter ce que j'ai déjà dit, je vous en prie, que vos réponses soient plausibles. Vous voulez une Chesterfield ? Non. Et en effet, l'Antéchrist était déjà là, dis donc, pour s'arroger une fois encore les idées socialistes. Décidément, rien à faire, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Avec lui, c'est Noël tous les jours et tu peux tout lui demander. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Que cosa vuoi ancora ? Que cosa vuoi di più ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Che cosa posso dare? Che cosa vuoi capire? Che cosa vuoi pensare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Por tu amor, por tu amor, todo lo daría. Qu'est-ce que tu veux de moi? Por tu amor, por tu amor, todo lo daría. Che cosa vuoi di più? Cosa, c'est l'explication que recherche Manu Chao sur son album Radio Lina. Tandis que tu l'as entendu à la radio, dans le Vendée Globe, c'est Yann Eliès qui a dit Chao à cause d'un fémur fracturé, ce qui l'a obligé à laisser le Manu. Le journal de bord, il faut noter l'heure. Qu'est-ce que c'était, monsieur Murdoch? Un iceberg, commandant. J'ai viré à tribord toute, j'ai fait renverser la vapeur à fond, mais on était trop près. J'ai tout fait pour l'éviter, mais on l'a heurté, et je crois que... Fermez les portes étanches! Elles sont fermées, commandant. Alors maintenant, après avoir rendu visite à tous les joyeux personnages de la crèche socialiste, dont nous sentons bien qu'ils sont encore dans l'attente du Messie, il est temps désormais, à 11h26... de plonger dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, là où crèchent justement les fantômes des voix de la radio. Car figure-toi que cette semaine à l'INA, personne n'a parlé de Noël, exception faite d'un cuisinier de la Tour d'Argent. Étrange conte de Noël, intitulé « Dindes en folie », et que nous raconte ce matin notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives. Écoutons donc avec attention sa déposition et tends bien l'oreille, car voici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole? Cette semaine, à l'INA, personne n'a parlé de Noël. Exception faite d'un cuisinier de la Tour d'Argent, qui voulait absolument nous donner sa recette du dindonneau farci. Trois portions de farce pour un dindonneau de 3 kilos. 900 g de panne de porc frais, 800 g de truffes, 300 g de foie gras frais. Bien mélanger et laisser refroidir, garnir le dindonneau de cette farce qu'on aura. Soudain, la recette a été interrompue pour laisser place à un flash spécial. Le conseil municipal de Londres, et c'est très sérieux, a lancé un appel à tous les habitants du centre de la ville qui ont acheté une dinde congelée dans le quartier de Westminster pour qu'ils se signalent. On a découvert en effet un scandale plutôt morbide. 4 employés municipaux avaient organisé avant les fêtes un marché noir et ils stockaient tout simplement des dindes dans la morgue de la mairie aux côtés de cadavres humains. Aussitôt, la Fédération des éleveurs de dindes lança une campagne de communication. Pour être tendre, la dinde a besoin d'affection. Donc il faut que la fermière vive avec sa dinde. Elle y vit en l'appelant, en lui parlant quand elle lui donne à manger. On lui fait boire du vin sucré et selon nos fermières, ceci donne la crête rouge et la dinde se présente bien mieux. Allez, cul sec! T'aimes pas le pinard? Tant pis pour toi. Et, avec émotion, Louis de Funès se rappelait le temps où il parlait avec les dindes. C'était le cri du dindon dans la basse-cour. Et avec un autre geste, je faisais comme ça, ce qui voulait dire le nez. Ouais. Le nez qui pend du dindon. Ouais. Et alors, vous faisait... Voilà. Et alors, dans ce film-là... Mais je faisais le vrai dindon. Le vrai dindon. Ça, c'est le vrai, celui-là. C'est... À ce qu'on racontait, les dindes de De Funès étaient si bien élevées qu'un jour, l'une d'elles fut invitée au Vatican. Il a été question d'envoyer cette année une dinde primée à sa sainteté Paul VI. Alors exactement, la dinde a été choisie dans un lot de petites dindes et, qui est spécialement engraissée uniquement avec des produits naturels du terroir bourbonnais. Et... Alors cette dinde qui doit être envoyée à sa sainteté le pape a été choisie ce matin. Et on va l'emballer spécialement avec des rubans en couleur de sa sainteté Paul VI. Et Miss Dantonel deviendra top modèle. Chez cuisine, des prestigieux magazines. Pas d'accord. Un digne dindon est intervenu pour déclarer que toutes les dindes ne se laisseraient pas manger si facilement. parce qu'il y a les dindons, il y a les dindons domestiques, il y a les dindons sauvages. Le dindon sauvage, il est pas stupide parce qu'il est sauvage, mais dindon domestique, souvent les dindonaux se noient avec la pluie parce qu'ils ouvrent le bec quand ils flottent et ces abrutis ils se noient. Et une autre fois, il y a un renard qui est rentré dans le dindonnier de son zincou. Ça fait des nuits et des nuits que j'attends que tu viennes me faire la conversation avec tes bruits de dindon. Il a tué une dinde et il y en a 40 qui sont morts de trouille. Comme quoi, c'est vraiment abruti. Comme... Mais nous, on est des dindons sauvages. Donc rien à voir. Eh oui, monsieur, vous avez raison. Quitte à être un dindon, autant être un dindon sauvage. Merci Flora Bernard pour cette nouvelle exploration temporelle et poético-burlesque au cœur de Lina. Et maintenant, retrouvons avec joie nos dindons de la farce hebdomadaire, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Maman, Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors, cette semaine, comme tu t'en doutes, nos deux héros gros boulets, la très haute Monique et le traîneau Jean-Claude, ont vécu intensément la course folle des préparatifs du réveillon. Car tu es en droit de savoir que Monique et Jean-Claude considèrent cette période de Noël comme une grosse session de loose. Ça les gave sévère, cette obligation nationale d'être heureux tous ensemble pour la Noël. Et oui, Jean-Claude a en horreur le son des cloches de Noël et plus encore celui des sonnettes. Salut, j'habite deux rues plus loin, allée du Sentier. C'est moi qui m'occupe des décorations pour tout le quartier cette année. Ça vous ennuie si j'entre ? Oui. Je veux dire oui, ça m'ennuie. Ah bon, d'accord. Vous participerez au programme Illuminaria prévu cette année ? C'est quoi ce bin ? Ce sont des petits sacs remplis d'environ une livre de sable. On allume une bougie qu'on a placée à l'intérieur et le sac s'illumine. Et comme ça, on éclaire tous les trottoirs tout autour de notre quartier. En fait, il faut que je vous dise, on fête pas Noël chez nous alors. On est musulmans. Écoutez, c'est la première année que j'organise ça et j'aimerais qu'il n'y ait pas de trou noir. Alors, je pourrais venir le faire pour vous le soir de Noël. Non, non, c'est tout à fait inutile, je le ferai, ça ira. Le gamin et moi, on va faire un truc. Génial. C'est ça. Et en effet, Jean-Claude et son gamin font immédiatement un truc. Pour calmer tout le voisinage, les imbéciles là, investis à fond dans les décos de Noël. Ainsi, Jean-Claude prend sa plus belle plume de dinde et il écrit aussitôt à monsieur le maire de Grosboule-les-Bains afin de lui donner son point de vue sur toutes ces illuminations. Immédiatement, le maire de Grosboule réagit, bien entendu, et tous les joyeux voisins du Jean-Claude, ceux qui sont si heureux de leur guirlande lumineuse, reçoivent un petit courriel municipal. Je viens de recevoir les nouvelles directives du maire pour notre spectacle. Elle nous interdit l'usage des guirlandes clignotantes, étant donné qu'elles risquent d'offenser les épileptiques. Ah. Alors s'il te plaît, tu peux débrancher toutes les prises qu'il y a là-bas. Eh oui, Jean-Claude s'est inventé épileptique afin d'obtenir l'interdiction des guirlandes électriques de Noël, puisqu'il déteste la période des fêtes. Cependant, même s'il ne veut pas être une victime collatérale de la magie de Noël, Jean-Claude est tout de même obligé de céder sur un point. Il doit offrir des cadeaux à ses mômes, sinon c'est la révolution à la maison. De son côté, voilà des semaines que Monique cherche des idées de cadeaux, mais pour Jean-Claude, rien ne presse. Ouais, quoi, c'est bon, on a le temps. Seulement voilà, le temps a passé justement, il ne reste plus qu'un week-end et Monique, sans cadeau pour ses mômes, elle devient hystérique parce qu'en réalité, ça urge. La vie est un cadeau. Ouais. Et Jean-Claude doute que cela suffise à Rémi et Elsa, ses deux mômes, pour les contenter à Noël. Mais bon, toute cette histoire de cadeaux, là, ce n'est franchement pas un problème, car Jean-Claude sait qu'à Gros Boule, même à la dernière minute du 24 décembre, il y a toujours moyen de trouver un bidule sans sas pour les gamins. C'est Noël, c'est parti, c'est la grande fête des cadeaux. Vous possédez un gamin âgé de 3 à 5 ans et comme des milliers de parents, vous aspirez à lui proposer des jouets d'éveil qui vont déclencher en lui le divertissement et donc un processus d'épanouissement et d'amusement sans se prendre la tête. Eh bien, c'est exactement ce que nous vous proposons cette année chez les Jouets Jean-Michel, avec par exemple l'ensemble des éléments électroniques qui composent le kit chaîne stéréo junior, avec sa référence au dos, hein, on se fout pas de votre gueule. Bon, bah c'est vraiment ce qu'on appelle dans le métier une chaîne stéréo de type classique, hein. Sauf que quand le gosse veut la mettre en marche, eh bien ça ne marche pas. Le gamin, ne pouvant pas alors accéder à son plaisir, va devoir s'amuser à faire de la maintenance pour rétablir le processus électrique. Il dispose pour cela d'un condensateur de Newton, d'une résistance de 750 Hz, attention, ça brûle, et de ce superbe oscilloscope vectoriel de 3000 ampères. Alors évidemment, pour lui apprendre que tout se mérite et qu'on n'a rien sans rien, il va devoir se bouger un peu le cul en faisant des branchements tout seul, parce qu'on peut pas toujours être collé derrière leur dos à ces petits cons. Et donc il le branche sur cette batterie d'une puissance de 640 volts. Ensuite, il prend le circuit imprimé qu'il branche en série avec le voltmètre, sans oublier la connexion fil jaune, fil rouge. Et là donc, il constate que la musique se met en marche. Et donc, pour résumer, je n'aurai qu'un seul slogan. Pour vos courses de Noël, les jouets Jean-Michel, c'est sensationnel. C'était vraiment très intéressant. Les jouets Jean-Michel, c'est vraiment exceptionnel. Une vraie caverne d'Ali Baba pour les mômes de tous âges. Voilà, ça c'est fait. La question des cadeaux pour les mômes est résolue pour Jean-Claude. Mais de son côté, Monique a maintenant un gros souci. Celui de préparer la bouffe pour le réveillon, un grand moment pour elle. Si je mets des marrons dans la dinde, je peux plus faire une bûche au marron. Deux fois des marrons. Ou alors des truffes. L'année dernière, on a fait café, tu te souviens? Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche, assortie au décor. Tout or et blanc cette année. J'en ai marre du rouge et vert. Tu pourrais faire une bûche genre riolet, huître et pistache. Un truc vraiment... C'est design, ça, non? Arrête, ouais. Non, laisse. C'est de la dépression hostile. La dépression hostile d'Elsa, la fille de la famille, c'est sans aucun doute un acte de rébellion de la gamine contre cette orgie qui se prépare, une ode à la société de consommation. Et c'est justement à ce moment précis que Jean-Claude est intervenu pour donner son point de vue sur la composition du dîner du réveillon. Des petits boudins pour aiguiser la faim. Mini pizza et biscuits au fromage, des rillons frits et des rines de lapin. On passe à table des apéros plus loin. Venez d'abord droit du Périgord, coudoir farci à la graisse de canard, des pieds paquets, un rôti de porc, le tout baigné d'un torrent de carottes. Maintenant, je sais plus quelle fête qu'on fait déjà. Le Yom Kippour pour la Toussaint ou bien pas, je t'ai aimé. Maintenant ça me revient, mais oui, c'est ça la naissance du Bouddha. Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Y a-t-il quelqu'un qui est né dans la salle ce soir? Tiens, voilà du boudin blanc évidemment, avec une purée de pommes de terre et des pommes-fruits, c'est excellent. Monique est subjuguée et elle interroge Jean-Claude en dessert que peut-elle bien préparer. Et là encore, bien entendu, Jean-Claude a une réponse toute trouvée, avec mise en garde tout de même. Terminons avec un précieux conseil de Noël. Ne confondez pas la bûche qu'on met dans la cheminée et qui ne se mange pas et la bûche qu'on mange au dessert qui ne brûle pas. Pour vous aider, apposez sur la bûche qui se mange une étiquette BQSM, bûche qui se mange, et sur l'autre une étiquette BQB, bûche qui brûle. Et attention, ne mélangez pas les étiquettes. Hein ? Un peu de champagne ? Ne mélangez pas les étiquettes, c'est essentiel si on ne veut pas se casser les dents. Jean-Claude explique surtout à Monique qu'il ne faut pas lésiner sur les quantités puisque le réveillon, le 24 décembre, est suivi le 25 par le jour de Noël. Et lui, Jean-Claude, après la grosse bouffe du réveillon, il a toujours quelques petites envies le lendemain matin. J'aimerais bien des Ah, laissez-vous tenter par les produits de la marée, tout comme les chrétiens vont s'extasier devant ce qu'a produit la marée. Voilà, fin de l'histoire. Monique, Jean-Claude et toute la famille sont parés pour le réveillon. Et d'ailleurs, cette année, la bûche Frenchie a été remplacée par le Christmas pudding. Years time we could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun, fun. Five years time, autrement dit, un quinquennat. Et parfois, qu'est-ce que c'est long un quinquennat ? Mais c'est ce que nous propose ce matin Noah and the Whale, traduction Yannick et la baleine. Allons, tout ça c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43. Après avoir évoqué dans l'ordre la crèche, la dinde, les huîtres et les guirlandes électriques, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré en toute logique aux gros conifères. Car comment produire une édition spéciale sur le merveilleux esprit de Noël sans consacrer quelques minutes au Tannenbaum, roi des forêts ? Du coup, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, a voulu savoir avant-hier si mon beau sapin, après s'être fait ratiboiser le tronc, subissait par ailleurs une seconde agression avec cette fichue crise. Et oui, pour palper la crise, n'oublie jamais que le diable se cache dans les détails. Ainsi, juste après la virgule, découvrons justement si oui ou non, les sapins n'auront même pas besoin d'attendre janvier cette année pour crever sur les trottoirs. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune ? Il paraît que Noël ne serait pas vraiment Noël sans un beau et grand sapin à l'intérieur du foyer familial. Est-ce que c'est une période importante pour vous, la période de vente des sapins, le moment de Noël ? Ouais, c'est très important. C'est 40% de notre chiffre d'affaires. Oh, quel magnifique homme de Noël! Oh, il est beau, hein? Oh oui, dommage qu'il perde ses poils. Oui, mais c'est parce que c'est un homme de Noël naturel. Tu sais, maintenant, ils en font aussi en plastique, des hommes de Noël que tu peux mettre à la cave, tu les plies, et hop, tu les ressors au Noël suivant. Oh, mais oui, mais un vrai, c'est tellement mieux. Oui. Hein? Oui. Est-ce qu'on ressent la crise? Regardez, là, il me reste 34 floquets. Mais c'est pas normal, ça? Non. Normalement, l'année dernière, il m'en restait quoi, une dizaine. Face à la crise, donc, le sapin a les boules. Et toi, l'ami, tu cherches des solutions pour sauver ton porte-monnaie Autrement dit, ton pouvoir d'achat. J'arrive pas à trouver d'arbre de Noël. Ah oui ? Et alors ? Je peux t'emprunter le tien ? Tu veux mon sapin ? Oui. Et j'irai le remettre dans ton salon avant votre retour. C'est n'importe quoi. Ah ouais, mais j'ai pas le choix. Tous les autres voisins auront besoin du leur ce soir et demain. T'es vraiment sérieux ? Super sérieux. Ouais. Entouré d'épicéas, Odette et Roger se cherchent un sapin. Et franchement, Roger est à deux doigts de se faire enguirlander. On peut pas et manger et avoir un sapin. Voilà. Alors qu'est-ce que vous faites là alors ? Moi j'aime bien manger. Hein. Alors mon mari voudrait un grand sapin. Et voilà, moi je préfère avoir une bonne table. Ah donc c'est la guerre entre une bonne table et un petit sapin et un grand sapin ? Voilà, c'est ça. Parce que avec cette crise, on a envie d'économiser sur le sapin. On peut pas tout faire, hein. On peut pas tout faire. L'an dernier, vous aviez acheté un Procera bleu du Canada. Celui-ci est de toute beauté. Il fait près de 3 mètres de haut. Madame aime les grandes tailles. Oh, ils sont trop mignons. Combien coûte cette merveille ? 90. Il a fallu qu'on augmente. On n'achète pas de sapin de Noël cette année. Oh, juste. On fait comme on a dit. On était bien obligés d'augmenter le prix. Les arbres nous coûtent de plus en plus cher chaque année. Ça n'est pas un problème de prix. Nous ne fêtons pas Noël cette année. Nous faisons une croisière de 10 jours. Pas besoin de sapin. La différence est de combien entre le sapin que vous voudriez et celui que votre mari souhaiterait ? C'est à 100 et quelques euros et moi je voudrais 60 euros. Ah oui. 70. Ça c'est un sapin. Il me rappelle celui que mon père a acheté une fois. On pourrait s'en passer mais il ne veut pas. Il ne veut pas s'en passer. Il a raison, Roger. C'est tellement magique, Noël. Ouais, c'est cool. C'est bientôt Noël. Il y a des décorations partout et tout. C'est cool. Ouais, c'est génial. Les SDF meurent de froid. C'est super. Ouais, c'est cool. C'est Noël. Eh oui. Encore une fois, cette année, malheureusement, il n'y aura pas que les sapins qui vont crever de froid dehors. Mais alors, que faire, bon sang ? Eh bien, à l'heure où les tentacules de la crise viennent étouffer le merveilleux esprit de Noël, saloperie, le mieux, je crois, c'est de faire comme les rois mages en Galilée et de suivre des yeux l'étoile de notre berger. Ô mon berger fidèle, viens t'en reposer sur mon cœur. À ma voix qui t'appelle, viens t'en me donner du bonheur. La crise est mondiale, mais on sait très bien d'où elle est partie. On fera pas et on n'acceptera pas circuler et rien à voir. Hein. Ceux qui ont assumé les conséquences sont en droit à la table de dire « Nous demandons à être écoutés, entendus et vite. » À vous mal donné, chez dans le cul, et qu'on en finisse. À vous mal donné, chez dans le cul, et qu'on n'en parle plus. Je l'ai trouvé au petit matin. Placé devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. J'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu j'ai remis du bois, dans la cheminée y'avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit, mais non, Balthazar. Ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Des descendue chez moi par erreur. Elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Fouettard. Et elle m'a dit d'une voix très celle, bye bye, oh Asa Baltasa. C'était la fille du Père Noël, c'était le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Baltasar. La fille du Père Noël, c'est celle qu'a dû se fader Jacques Dutronc en 1966. Alors que dans les jours qui viennent, des millions de Français vont devoir se fader la file de l'hyper à Noël pour acheter du foie gras, du saumon fumé, du champagne et... Et 120 rouleaux de papier cul. Avant tout de même, ils évacuent. N'oubliez pas votre reçu. Merci, madame. Alors maintenant, à 11h51, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors que dit la presse de cette fin d'année, camarade ? Bien, j'ai bien regardé dans tous les journaux, dans la presse cette semaine. J'ai cherché des signes tangibles de la magie de Noël. Et Philippe, je peux vous assurer qu'elle n'a pas disparu. Il faut simplement la dénicher. Tenez par exemple, en parlant de niche, le quotidien britannique The Telegraph a récolté les excuses les plus délirantes données par les propriétaires pour justifier l'abandon de leur chien. Alors en tête, comme raison pour se débarrasser de son kleps, il y a « parce qu'il n'est pas assorti au canapé ». Bah, ah, un problème. C'est important la déco. On trouve aussi un type qui a voulu changer son chien noir contre un chien blanc parce qu'il venait de changer de moquette. Ah, ça se défend aussi. Mais surtout, il y a ce bonhomme qui a abandonné son chien parce que l'animal ressemblait à David Bowie. Ah. Et oui, le chien avait les yeux de couleurs différentes. C'est donc une excuse pour l'abandonner. Nous verrons bien si ça fait des émules. Parce que Philippe, c'est très mal de se séparer d'un compagnon fidèle pour des raisons bidons. En gros, de l'abandonner comme un chien, c'est un peu ce que dénonçait hier samedi l'Humanité en parlant d'une privatisation rampante de la Poste, selon l'adage « Noël à Matignon, la Poste au patron ». Bon, Philippe, ce n'est pas une surprise. Les mécréants de l'Humanité d'aujourd'hui ne sont pas sensibles à la magie de Noël. C'est pourquoi j'ai voulu jeter un œil sur l'Humanité d'il y a tout juste 100 ans. Oui. Donc du 20 décembre 1908 exactement, où l'on trouve à la une un billet d'humeur intitulé « C'est vraiment trop !» écrit par Jean Jaurès, le directeur du journal. Ça, c'est classe. Et Jaurès y dénonce, écoutez bien, le déficit du budget de l'État. Un déficit qui a tendance à s'accroître, nous dit-il, dans un contexte de crise économique où les retraites sont sacrifiées et où les finances fléchissent alors que les peuples sont accablés. Eh ben. Ah, c'était en décembre 1908, hein, une toute autre époque, n'est-ce pas ? Ah oui, très bien. Et oui, comme le proclamaient les poppies, non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Exactement. Et oui, utiliser le prétexte du déficit de l'État pour brader le social et le service public, c'est un peu la magie noire de Noël qu'on vit en ce moment. Mais cela n'est rien. Rien du tout à côté du drame que nous apprend The Express Time Daily Newspaper. Allez, encore un journal incroyable. C'est le journal local de l'aire métropolitaine de la vallée de Lehigh en Pennsylvanie, donc au nord-est des États-Unis, évidemment, qui regroupe les villes d'Allentown, de Bethléem, c'est d'actualité, et de Easton. Et à Easton, justement, a eu lieu cette semaine un drame. Un drame terrible pour Monsieur F. Campbell, 35 ans, et son épouse Déborah, 25 ans. Ils ne comprennent pas pourquoi le supermarché local a refusé de leur vendre le gâteau d'anniversaire pour leur fiston, sur lequel ils avaient simplement demandé qu'on inscrive son prénom, Adolf Hitler. Ah oui. Ah oui, ils sont comme ça, les Campbell en Pennsylvanie. Ils ont appelé leur gamin Adolf Hitler et ils s'expliquent. Ouais, un prénom, c'est un prénom. Ils ont choisi Adolf Hitler parce qu'ils trouvaient ça joli. Et puis parce que personne d'autre dans le monde n'aurait le même. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ah, c'est magnifique, ouais, c'est monstrueux. Alors, une autre précision intéressante, les Campbell ont 2 filles, une petite Jocelyne Aryan Nation, Jocelyne Nation Aryenne, c'est charmant, et une gentille Hanslein Heinler Jenny, âgée d'un an. Ça fait flipper. Alors, bon, là où c'est énorme, c'est que les Campbell disent ne pas être racistes. Bon, c'est vrai, l'année dernière, pour le gâteau d'anniversaire, comme décoration, ils avaient demandé une croix gammée. Mais ils précisent bien que si leurs mômes ont des amis noirs, mais ça ne posera aucun problème. Ils sont formidables, ceux-là. Oui, moi je doute un peu que ça ne pose pas de problème si un jour il y a des amis noirs. Alors pour terminer sur cette histoire, un dernier détail, les Campbell ont un argument imparable à leurs yeux pour justifier leur choix. Ils disent « Nous avons un nouveau président ». Oui. Barack Obama, oui. Un noir qui prône le changement. Eh bien, changeons ! Il faut penser à l'avenir, pas au passé. Oui, alors dans ces moments-là, Philippe, on se dit qu'il est essentiel, voire vital, de se soucier du passé et de ne pas se précipiter dans l'aventure de l'avenir, les yeux fermés. Et c'est aussi ce que doit penser Benoît XVI, notre gentil pape. Ah, moi j'aime bien quand vous parlez du pape, j'aime bien moi. Ben oui, oui, parce qu'il y a une info sur la télé américaine qui a été reprise par VSD.fr et qui nous apprend que le père Pompozzello de l'église Sainte-Élisabeth. Pompozzello, c'est donc une église au nord de Manhattan. Ce prêtre compte offrir à Ben Sixtine, pour ses 81 ans, rien de moins qu'un skateboard. C'est pas vrai. Ah oui, c'est un skateboard. Alors, Benoît XVI devra attendre la visite à New York, donc en avril prochain, pour avoir sa planche de salut à roulettes. Enfin, c'est un peu tard pour une grosse bûche, moi je dis. Mais le skateboard portera les couleurs pontificales, l'or, le noir, le blanc et le rouge. Alors voilà, Philippe. On se demandait ce qu'était la magie du Papa Noël. Eh ben, c'est peut-être ça. Après, là, Papa Mobile, le Papa Roulette. Merci, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine, cher ami. Le kiosque referme ses portes. Voilà, c'est la fin du 142e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et sur France Inter pour des rediffusions bidouillées de nos aventures loufoques et foutraques que nous t'avons offertes durant l'automne. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux, que je remercie chaleureusement. Merci à toi, Monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr le maestro H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Jean-Philippe Jeanne et de Gilles Gaillard. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Marie Berthoumieux. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement et qui nous honore de sa présence ce matin en studio. Merci aussi beaucoup Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. D'ailleurs, tout le monde est là ce matin. Merci à vous tous. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris et sa recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier à nouveau de votre indéfectible soutien et vous souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous d'excellentes fêtes de fin d'année. Mais attention, même à Noël, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.